إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، ها نحن اليوم نستقبل عاما هجريا جديدا بعد أن ودعنا عاما مضى بالأمس، وهكذا تمر الأشهر بعد الأشهر والأعوام بعد الأعوام، وإن في مرورها لعبرة وعظة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وها أنتم أيها المسلمون تزدلفون إلى عام جديد وتودعون عاما من عمركم مضى بما أودعتموه من عمل، فاتقوا الله أيها الناس وتبصروا في هذه الليالي والأيام، فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم، وكل يوم يمر بكم فإنه يبعدكم عن الدنيا ويقربكم من الآخرة. قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وليعلم الإنسان أن هذه الدنيا دار عمل، وأن الآخرة دار الجزاء ولا عمل فيها، فليخلص لله عز وجل. والعمر قصير والأيام تطوى، وعمله سيلاقيه عند لقاء ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. رواه أبو داود، وهو حديث حسن. Chers musulmans et musulmanes, aujourd'hui nous accueillons une nouvelle année égyrienne après avoir quitté une année hier. Ainsi les mois se succèdent, ainsi les années se succèdent, et il y a dans la succession des jours, des mois, et il y a dans l'alternance du jour et de la nuit des morales et des leçons à tirer pour celui qui veut se rappeler. Vous entrez dans un mois ou dans une année égyrienne nouvelle après avoir quitté une ancienne. Vous avez quitté l'ancienne année en laissant dans celle-ci tout ce que vous avez accompli comme acte. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala et soyez attentifs au jour que vous vivez, car ce ne sont que des étapes qui mènent à l'au-delà et qui vous amènera jusqu'à la destination finale de votre voyage, soit au paradis ou soit en enfer. Et sachez que chaque jour qui passe, c'est un jour qui vous éloigne de cette vie d'ici-bas et qui vous rapproche de la vie de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit, Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Et que l'être humain sache que cette vie d'ici-bas est une demeure dans laquelle il doit œuvrer, et que la vie de l'au-delà est la vie dans laquelle il sera récompensé et rétribué selon ce qu'il aura accompli dans cette vie d'ici-bas. Sois donc sincère dans ton adoration à Allah Azza wa Jal, et sache que ta durée de vie ici-bas est courte, et que tu retrouveras tout ce que tu as accompli comme œuvre lorsque tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal selon le sens, ô toi l'être humain, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. C'est-à-dire que tu vas vers ton Seigneur et que tu accomplis des œuvres et que tu retrouveras toutes celles-ci le jour où tu rencontreras le Seigneur de l'univers. Et dans le hadith jugé bon rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril a dit, ô Muhammad, vis autant que tu veux, tu mourras, et aime qui tu veux, tu en seras séparé, et accomplis ce que tu veux, tu le rencontreras. Thum'alamu ayyuhal muslimun, wa hasibu anfusakum قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن وعليكم بالثبات على دين الله الثبات الثبات وحاسبوا أنفسكم عليه في ختام العام حتى تلقوا ربكم غير مبدلين ولا مغيرين يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومعنى هذا الحديث أي تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والاختلاف بين المسلمين في أمر الدين والدنيا فإنكم حينئذ لا تطيقون الأعمال لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها. Jugez-vous donc, chers musulmans et musulmanes, avant d'être jugé, et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées, et accrochez-vous à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez persévérants et soyez fermes dans votre religion afin de rencontrer votre Seigneur subhanahu wa ta'ala en étant musulman. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous ordonne d'accomplir des bonnes œuvres avant que les tentations ne viennent, avant que les problèmes ne surviennent. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique apporté par Muslim dans son sahih, accourez vers les bonnes œuvres avant que ne viennent des tentations, qui sont aussi sombres que la nuit, des tentations et des turpitudes dans laquelle, et des épreuves dans laquelle l'homme sera musulman le matin et mécréant le soir, où il sera musulman le soir et mécréant le matin, il vendra sa religion pour une chose futile de cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire, empressez-vous à accomplir de bonnes œuvres avant que ne viennent ces épreuves qui sont difficiles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiées de sombres, avant que ne viennent les problèmes. Et pendant ces épreuves, vous ne saurez accomplir l'adoration d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons. Ayyuha al-Muslimun, inna a'zama ni'matin an'ama Allah biha ala 'abdin. Inna an'ama wa a'zama ni'matin an'ama Allah biha ala 'abdin min 'ibadihi hidayatuhu lil-Islam. Faman hadahu Allah lil-Islam faqad manahahu a'zama an'am وأكبرها وأجلها، فلا نعمة أعظم من نعمة الإسلام. فمن هداه الله للإسلام فعرف ربه ودينه ونبيه واستقام على هذا الدين، فليحمد الله على هذه النعمة وليقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دينك دين الإسلام، دين العقيدة الصحيحة، دين السماحة والمعاملة، دين الأخلاق الكريمة، دين تكفل الله عز وجل بحفظه فلم يكله إلى الخلق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دين ضمن له البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. دين أوحاه الله إلى نبيه من فوق سبع سماوات، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. دين أكمله الله وأتمه ورضيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sachez que la plus grande faveur que vous a accordé Allah subhanahu wa ta'ala et celle qu'il accorde à son serviteur, c'est de le guider à l'islam. Celui donc à qui Allah Azza wa Jalla a fait le don de cet immense bienfait, il n'y a pas de bienfait plus grand et plus immense qu'Allah Azza wa Jalla, ou que le fait qu'Allah Azza wa Jalla guide l'un de ses serviteurs à l'islam. Si tu fais partie de ceux-là, et que tu fais partie de ces gens qui connaissent leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui connaissent leur religion et leur prophète, et qui restent fermes et qui persistent dans cette religion, eh bien, qu'ils remercient Allah Azza wa Jal, et qu'ils disent: louange à Allah qui m'a guidé à ceci, et je ne saurais être guidé si Allah ne m'avait pas guidé. Ta religion de l'islam est la religion qui transporte la vérité et la croyance véridique. C'est la religion du bon comportement. C'est une religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de préserver lui-même. Il n'a pas légué cette tâche à quelconque de ses créatures. Il dit subhanahu wa ta'ala: nous avons révélé, c'est nous qui avons descendu le rappel, et c'est nous qui le protégeons. Une religion qui a la garantie de rester, et de perpétuer, et d'être au-dessus de l'ensemble des religions, et ceci jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala décrète la fin de ce monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith authentique, et un groupe de ma communauté ne cessera d'exister en ayant la suprématie et en proclamant la vérité. Ils ne seront affaiblis ni par ceux qui les trompent, ni par ceux qui les contredisent, jusqu'à ce que le commandement d'Allah vienne. Une religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des sept cieux. Il dit subhanahu wa ta'ala ceci, c'est-à-dire le Coran. C'est le Seigneur des mondes qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Une religion qu'Allah Azzawajal a parachevée, qu'Allah Azzawajal a complétée et qu'Allah Azzawajal a acceptée et agréée. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion et je l'ai complétée de ma grâce et j'agrée comme religion pour vous l'islam. فدين الإسلام أيها المسلمون أعظم الأديان وأفضلها على الإطلاق كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد مرجع الخلق عند التنازع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ثم اعلموا أيها المسلمون أنه لئن تفاخر الناس بأموالهم أو افتخروا بأنسابهم أو بما أوتوا من علم ومعرفة فكل ذلك عرض زائل إذا خلا من الإسلام قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ثم اعلم أيها المسلم أنك تحمل أعظم دين وتنتسب إلى أفضل ملة فاعرف قدر نفسك واعرف قدر هذا الدين الذي تنتسب إليه تمسك به علما وعملا ظاهرا وباطنا عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة واعتقد أنه الحق الذي لا يقبل الله أحدا الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فكن عزيزا بدينك بتمسكك به وبعملك به وأدائك لشعائره ورضاك به وطمأنينتك بذلك فالله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ثم اعلم أن هذا الدين دين السعادة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال تعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فاحمد الله على هذه النعمة واشكر الله عليها بقلبك ولسانك وجوارحك واسأل الله عز وجل أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك وأن يرزقك الاستقامة إلى أن تلقاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Sache que la religion musulmane et l'islam est la meilleure des religions, sans aucun doute. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, le mal ne peut l'atteindre ni par devant ni par derrière, car c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Et sache que l'islam doit être la chose et le moyen vers lequel l'on se retourne lorsqu'il y a conflit. Il dit subhanahu wa ta'ala, et si vous êtes en désaccord sur une chose, renvoyez-la à Allah et à son envoyé. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et il dit subhanahu wa ta'ala, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Et sache, chers musulmans et musulmanes, que lorsque les gens s'ostentent et se vantent de leur argent et de leur main et de leurs biens, et qu'ils se vantent de leurs origines ou de ce qu'ils ont comme science ou connaissance, tout ceci n'est que futilité qui est amenée à disparaître si cela est dénudé de l'islam. Il dit Allah Azza wa Jal, selon le sens, nous avons enjolivé aux gens, c'est-à-dire nous avons embelli aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a le bon retour. Sache, chers musulmans et musulmanes, qu'en étant musulman, tu transportes en toi la meilleure des religions et que tu te reconnais dans la meilleure des communautés. Connais donc la valeur de ta personne et connais la valeur de cette religion. Accroche-toi à celle-ci en l'apprenant et en la mettant en pratique. Applique-la de façon apparente lorsque cela est demandé et applique également les choses qui ne sont pas apparentes de cette religion. Mets en pratique la croyance et adore Allah Azza wa Jal comme il se doit et sache qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas de religion autre que celle de l'islam. Il dit Azza wa Jal, la religion chez Allah, c'est l'islam. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, son le sens. Et celui qui prend autre que l'islam comme religion, alors rien ne sera accepté de lui. Et il fera partie dans l'au-delà de ceux qui auront perdu. Sois donc fier de ta religion. Sois donc fier de mettre en pratique celle-ci. Et de proclamer les emblèmes de l'islam. Sois fier et sois heureux et accepte cette religion de grand cœur. Allah Azza wa Jalla dit, à Allah appartient la puissance, à son envoyé et aux croyants, mais les hypocrites ne savent pas. Sache également que ta religion, l'islam, est la religion par laquelle tu connaîtras et tu goûteras à la félicité et au bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit Azza wa Jal, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ceux parmi les hommes et les femmes qui accomplissent des œuvres bonnes et des œuvres pieuses tout en étant croyants, alors nous leur accorderons une vie bonne. Et nous les récompenserons de la meilleure des façons selon ce qu'ils auront œuvré. Remercie donc Allah Azza wa Jal sur ce bienfait immense qu'est l'islam. Remercie-le par ton cœur, par ta langue et par les membres de ton corps. Et demande à Allah Azza wa Jal que ton cœur ne soit pas dévié de la guider et demande à Allah Azza wa Jalla de t'accorder la droiture et la persévérance dans cette religion immense, et ceci jusqu'à ce que tu le rencontres. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, puis ont observé la droiture, eh bien les anges descendront sur eux en leur disant, n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés, et on vous annonce la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إنه برغم ما يكاد به دين الإسلام فإننا نعتقد جازمين أن المستقبل للإسلام وأن جميع ما يناقض الإسلام فمصيره إلى الزوال، وأن كل طرح يعارضه فنهايته إلى الاندثار. وليس الاعتقاد بأن المستقبل للإسلام مجرد أمنية نابعة من العاطفة الدينية لدى المسلمين، بل إن ذلك حقيقة ثابتة بشرت بها نصوص من الكتاب والسنة. قال الله تعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. ففي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر أي الإسلام ليبلغ ما بلغ الليل والنهار، أي ما امتدت به الأرض شرقا وغربا، ولا يترك الله بيت مدر أي من أهل القرى، ولا وبر أي من البدو إلا أدخله الله هذا الدين. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que malgré toutes les attaques qui sont dirigées contre notre religion, et le fait que notre religion soit la cible d'attaques n'est pas une chose nouvelle. Les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal ont subi le rejet de leur peuple. Ils ont été traités de menteurs, d'imposteurs, de sorciers, de poètes, de magiciens. Ils ont été frappés, expulsés de leur terre. Le fait donc que l'islam soit la cible d'attaques qui sont plus prononcées à notre époque et ces jours-ci. On parle de l'islam dans les journaux, on parle de l'islam dans les discussions de bureaux et de bistrots, en disant que cette religion est une religion qui ne donne pas d'importance à la femme. C'est une religion qui est incompatible. C'est une religion qu'il faut combattre. C'est une religion que l'on ne peut accepter. Ainsi, vous voyez les attaques, les unes après les autres, qui se succèdent pour porter atteinte à l'islam et pour déstabiliser les musulmans dans leur religion. Ceci n'est pas une chose nouvelle. Allah Azza wa Jal nous a préparé à cela dans son noble livre. Lorsqu'il a dit Azza wa Jal, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Et les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Et Allah Azza wa Jalla dit « Qul inna hudallahi huwa al-huda » Dis, la voix d'Allah, c'est la voix, c'est-à-dire c'est la vérité, c'est celle que je dois suivre. Ne sois donc pas dupé par cela. Les musulmans avant nous ont été oppressés, ont été victimes d'attaques et de guerres. La guerre des croisés en est l'exemple le plus parlant. Et nous, à l'heure actuelle, nous subissons également toutes ces attaques. L'on attaque le voile de la pudeur, le voile qui préserve la femme de ces loups affamés, de ces loups qui courent derrière leurs désirs, leurs passions, et qui n'ont qu'un seul but, c'est d'assouvir leurs désirs charnels. Ils veulent voir la femme dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Ils ne supportent pas qu'une femme ne montre pas sa beauté. Et ils considèrent cela comme un mépris de la femme. Est-ce un mépris de la femme qu'elle se préserve? Ou est-ce un mépris de la montrer et de l'utiliser comme un objet de désir, comme un objet de marketing? On utilise la femme dans ces sociétés non musulmanes pour vendre des voitures, pour vendre du café, pour vendre du parfum, pour vendre des yaourts, pour vendre des chaussures. Quelle que soit la chose que tu veux vendre, sache qu'elle sera vendue si tu mets à côté de cette chose une femme embellie, maquillée, comme il le désire. Il traite l'islam, ou il considère que l'islam ne donne pas la liberté à la femme. Cela est faux. Et les attaques contre l'islam se multiplient en interdisant les minarets. L'on demande un référendum, c'est-à-dire qu'on le demande à chacun des habitants leur avis sur les minarets. Et certains sont entrés dans le sujet, est-ce que les minarets sont en concordance avec la religion ou non? Là n'est pas le sujet. La chose la plus importante, c'est quel est le but d'attaquer les minarets? Est-ce que ce sont les minarets qui sont visés? Non. C'est l'islam qui est visé. Et ce sont les musulmans qui sont visés derrière. Allah Azza wa Jalla dit وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. Et un grand nombre des gens du livre souhaiteraient que vous reniez votre religion après avoir cru. C'est le souhait de la majorité des gens du livre. Et sache que malgré toutes ces attaques, la suprématie sera à l'islam. Et l'islam sera la religion qui sera au-dessus de toutes les autres religions. Et l'islam sera la religion la plus répandue sur terre, de l'Occident à l'Orient. Ceci est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit, selon le sens, c'est lui qui a envoyé son prophète par la guidée et par la religion de vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. N'en déplaise aux associateurs. N'en déplaise aux associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, le hadith de Tamim ibn Aws al-Dari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce commandement atteindra ce qui est atteint par la nuit et le jour. Et Allah ne laissera une maison citadine, une maison de citadins ou une maison de personnes vivant à la campagne sans qu'Allah Azza wa Jalla y fera rentrer cette religion. Par la force du fort ou par l'humiliation de l'humilié, une force par laquelle Allah renforcera l'islam et une humiliation par laquelle Allah humiliera la mécréance. Sois donc persuadé que l'islam sera la religion la plus haute et la plus forte. Et ceci n'en déplaise aux associateurs, qu'ils peuvent donc attaquer l'islam comme ils le veulent, qu'ils peuvent apporter les préjugés ou tous les préjugés qui leur passent par l'esprit. Tout ceci sera anéanti et tout ceci disparaîtra un jour ou l'autre et l'islam et la vérité apparaîtra au grand jour et sera la religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus répandue, c'est-à-dire qui sera répandue dans toute contrée de cette terre. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا اللهم ثبتنا على الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم ثبتنا على الحق اللهم أمتنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين